20h du mat. Alors j'allais dire 20h, mais bon, je suis encore dans la soirée d'hier. C'était grave, docteur. Bienvenue, vous écoutez Galaxy, c'est le matin, tout va bien. Tout y va mêlé, restez bien à l'écoute encore pour 25 ans. Ah non, on sera là encore, hein. Retraité peut-être, mais on sera toujours là. Poisson d'avril 92, Galaxy, c'est fini. Faut pas que Galaxy s'arrête. Je veux pas que ça disparaisse. Il faut que la techno continue. Je voudrais pas que Galaxy crève. J'espère que Galaxy sera éternel. Je pousse à fond, alors ma mère elle gueule. Je lui dis ce que j'okais et si vous voulez, je peux vous aider. Poisson d'avril. Les meilleurs moments de l'émission ce samedi dès 21h. Un homme d'honneur et une créature de légende. Oui. C'est le plus grand tueur de dragons du monde. De mes yeux, je l'ai vu mettre en bouillie pas loin de 2 dragons. Ça faisait longtemps que j'espérais un beau combat. J'ai juré de faire disparaître tous les dragons. Et lorsque les forces du mal se déchaînèrent, ils comprirent qu'il n'y a pas d'honneur sans risque. Love, sex, intelligence. I'm coming on like a 7 cent. Willy. Willy. Willy. Mets la sauce, mets la sauce. Made of these, who am I?

set of photographs of summers and suns. And you're a real old kid. Maybe not, baby. Galaxy. Galaxy. 95.3. Galaxy. Oh. Alors, écoute, tous les matins, Willy, le seul animateur qui te sort du lit. Putain, tu m'as fait mal. Records on the floor, the memories of the night. something. Why not believe in me? You got to believe in something. Why not believe in me? You got to believe in something. Why not believe in me? You got to believe in something. Why not believe in me? De bons moments, de bons souvenirs. En tout cas, restez bien calés à l'écoute des 25 ans de Galaxy. D'énormes surprises encore également. Oh, ça va être terrible. Tout à l'heure, Stéphane, suivi de Tony, suivi de Laurent Garnier à partir de 16h. Mesdames, messieurs, suivi de Storm à 19h. Alors, et ensuite, il y aura Guillaume, il y aura Hubert, il y aura Ferlin Pimpin et Bisounours peut-être. Il y aura Olivier Curtis, il y aura Jérémy, il y aura toute la clique. Le Nicolas au standard, c'est un tueur. Suivi d'HS qui nous montrera en direct en compagnie de Georges, ils montreront leurs fesses. Ah, terrible. Suivi de Guillaume à partir de 2h du mat. Ah, Guillaume, courageux là. Suivi du Boccaccio live de Franck Biazzi, de Sipi, de Fifi. Demain, il y aura Nicolas, Jérôme B, Jérémy, il y aura Serge de Music Line. Ça nous rajeunit pas, ça. Serge, t'as pris un coup de vieux, toi. Olivier Curtis, il y aura Manu, Johan, il y aura Franck Biazzi également. Plein d'animations, plein de bêtises à partir de 21h, là, en compagnie de DJ HS. Il y aura un nouveau Vince, il y aura également Ferlin Papin et plein de bonnes rétro. Ah ben, ce sera comme ça tout le mois de... décembre, hein, c'est ça, en tout cas. Ouais, you got to believe. Il est 9h à la bonne heure. Bienvenue à bord de ce vaisseau intergalactique Tic-Tic. Musique de Galaxy. Et ça, c'est cool. Galaxy, out of time. Out of time. Vous pensiez vous en être débarrassé? Willy. Willy. Vous pensiez que le monde était sauvé? Vous aviez tort. Ne paniquez pas, la Terre entière compte sur vous. La Terre entière compte sur vous. Joyeux anniversaire, Galaxy. Poisson d'avril 92, Galaxy, c'est fini. Faut pas que Galaxy ça s'arrête. Je veux pas que ça disparaisse. Il faut que la techno continue. Je voudrais pas que Galaxy crève. J'espère que Galaxy sera éternel. Je pousse à fond, alors ma mère elle vient, je suis disque jockey et si vous voulez, je peux vous aider. Poisson d'avril. Les meilleurs moments de l'émission ce samedi dès 21h. Projetez-vous dans le futur. Galaxy. Willy, Willy, Willy. To what you're doing. believe in you, and you know I believe in love. I believe in truth, though I lie a lot. I feel the pain from the push and shove. No matter what you put me through, I'll still believe in love. And I say, I love your connection. Love's just a distraction. No talking, just looking, watching your technology, music, or happy people. Happy people. Happy people. Flash on the Band, ah c'est beau, ça nous rappelle de bons souvenirs, c'est terrible, ah, ça nous rappelle notre enfance, le Waiting for the Train dans une version totalement originale. En tout cas, bienvenue à bord de ce vaisseau intergalactique, il est pile 9h à la bonne heure, et je le dis tout de suite, l'agenda, avec par exemple le Téléthon qui fêtera ce week-end ses 20 ans, donc durant tout le week-end vous aurez l'occasion d'appeler, d'offrir votre don et aller faire un petit tour du côté de la Georges de la salle Georges Dalle de Tourcoing par exemple, ou aussi sur la Grand Place de toutes les villes. Également un numéro d'info au 03 20 26 72 38 ou alors au www.téléthon.fr pour tout renseignement et pour vos promesses de dons. Exposition Les Funambules, à voir jusqu'au 22 décembre au musée des arts et traditions populaires de Waterloo. C'est proposé par Karl Cordonnier qui montre les adolescents de la planète avec au programme film, photographie, rencontre avec notamment les jeunes waterloosiens investis dans le projet à travers la réalisation d'un blog et d'échanges avec des artistes du monde entier. L'entrée est libre. Renseignements 03 20 45 19 09. Mais dans l'immédiat, vous partez du côté du Standard de Galaxie puisque vous allez pouvoir jouer et gagner, en tout cas, on l'espère pour vous, le kit intergalactique. Je le dis, il y a plein de beaux cadeaux. On ne sait vraiment pas ce qu'il y a dedans, mais alors, c'est terrible. Là, c'est un sac plein. Nous remplis, hein. Il n'y a pas de souci. 03 20 83 57 deux fois. Allez-y. Le Standard est à vous. 03 20 83 57 deux fois. Le ou la 20e appel, c'est tout de suite. Galaxy. Galaxy. Don't stop music. Allez, vas-y, appelle la radio. Si ça marche pas, tu recommences. T'appuies sur bis. I am ready.

vie. We'll be right back. Comet avec Love Simulation. À nous, c'est de l'amour pur et dur. Debout les fonctionnaires. Terrible, il est 10h dans quelques instants. Stefanovic, la Rochka. C'est comme ça. Dzień dobry à tous les Polonais. Ah, moi, je le dis. Attends, ouais. Oui, j'ai le droit quand même de temps en temps. Bienvenue à bord de ce vaisseau intergalactique. Tic-tic, je le mets. Galakossi, Galakosso, qui n'est pas une radio de blaireau. À noter sur vos tablettes qu'aujourd'hui, c'est simple. Alors aujourd'hui, en programmation, ce sera terrible. Il y aura. Touche pas à ça. Il y aura Tony tout à l'heure. Il y aura Tony à partir de 13h. Suivi de Laurent Garnier, suivi de Storm, de l'animation en compagnie de Guillaume, Jérémy, Hubert. Il y aura Olivier Curtis, il y aura toute la clique. Il y aura HS, il y aura Georges, il y aura à nouveau Guillaume, il y aura une bonne partie de l'équipe de Hubo Caccio, Mix de 91. Bravo. Il y aura Franck Biazzi, il y aura DJCP, il y aura Fifi. Et demain, ce sera. Grave de grave. Vous désirez plus d'infos, c'est simple. info@galaxyfm.com. Galaxy en ligne, c'est simple. live.galaxyfm.com. Et sur le répondeur 0870 245 603.